En Guinée, les participants au séminaire national sur les aides du Tché tenu à Conakry ont adressé un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé du message. En tant que membre du comité national d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme et adepte des aides du Tché, nous avons participé au séminaire national sur les aides du Tché sous thème rôle des jeunes dans l'éducation de l'Afrique indépendante à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Nous avons obtenu une précieuse expérience à travers les grandes victoires de l'héroïque peuple coréen dans l'éducation d'une puissance socialiste souveraine et indépendante sous la bannière de Sun Gun suivant les idées du Tché, créée par le président Kim Il-sung et développée par le général Kim Jong-il. Ensuite, nous sommes convaincus de nouveau que pour les Africains, le kim-sunisme, kim-jong-lisme est une idéologie directrice qui écarte la menace de mondialisation et défend la souveraineté et l'indépendance. Nous félicitons chaleureusement le maréchal Kim Jong-un qui a fait une grande contribution pour défendre les acquis de la révolution Tché obtenue sous la bannière de Sun Gun. Nous formulons l'hommage le plus sublime au maréchal Kim Jong-un et témoignons de la solidarité absolue aux héroïques armées populaires et peuples coréens qui luttent pour assurer l'ambiance pacifique dans la péninsule coréenne et réaliser la réunification du pays.